Eh bien, bonsoir. Encore, toujours, pour Daniel Kemp, une suite ininterrompue de façons de parler toujours inédites pour une 174e conférence de 2 heures. C'est difficile à battre. Surtout lorsqu'on en est rendu à parler de la perfection dans l'art d'être humain. L'art d'être humain, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, mais dont on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui doit parfaire cet art. Pour nous en parler d'une façon tout à fait extraordinaire, invitons Daniel Kemp. Il y a une ruse, hein? Et puis, il y a une ruse. Mais je la connais pas. On va l'inventer. On va te laisser travailler, papa. La perfection? Oui, c'est dans l'art d'être con. Humain. C'est tout juste, j'ai failli dire ça, mais... Est-ce que tu es humain? Oui. Donc, tu es con? C'est évident. On a parlé de la souffrance dernièrement, on a parlé de l'absurdité du monde dans lequel était placé l'être humain. On a parlé de bien des choses. Et finalement, l'homme est tellement habitué de souffrir qu'il pense qu'il ne souffre pas. Celui qui doit chasser quotidiennement, se lever à l'aube, chasser toute la journée pour revenir le soir, peut-être bredouille, peut-être avec quelque chose. Celui qui doit le donner au chef de sa tribu avant de manger. Et tous les autres humains, femmes et enfants, qui doivent attendre, s'il y a des restes, de manger après les chasseurs ou les guerriers. Sont convaincus qu'ils ne souffrent pas parce qu'ils sont convaincus que le monde est ainsi fait. C'est normal que le chasseur mange avant les autres. C'est normal que le dernier né est le dernier de la nourriture. Intéressant. Faut faire durer ça, hein? Ben oui, effectivement. C'est une annonce pour vendre de l'eau? Ah oui, ça peut être... Sûrement pour... Les choses s'améliorent de semaine en semaine, mais de temps en temps, il y a des découvertes. C'est bien. On met ça plein. Alors donc, finalement, l'homme qui naît avec les deux yeux non fonctionnels, c'est lui qui est un aveugle. S'il est dans une tribu d'aveugles, il est convaincu qu'il n'est pas aveugle. Il est simplement certain que la vision n'existe pas. Et il considère comme étant normal et naturel de ne rien voir. Donc, de se frapper régulièrement la tête sur les arbres, de s'enfarger, de chercher sa nourriture à terre, de chercher ses souliers et ses objets. C'est normal, on est comme ça. Et finalement, il va inventer une philosophie pour pouvoir mieux supporter sa normalité de médiocre. Et il dira, c'est humain d'être comme ça. C'est peut-être humain d'être comme ça parce que présentement, les humains sont comme ça et parce que présentement, les humains acceptent et tolèrent d'être comme ça. Celui qui est né pour un petit pain est né pour un petit pain. Il ne sait pas qu'il n'est pas né pour un petit pain. On ne vient pas au monde déjà régi au niveau de notre énergie. Sauf que, étant donné qu'il a essayé peut-être quelques rares fois de s'en sortir et que ça n'a pas fonctionné à son goût, étant donné qu'il est impatient et orgueilleux, il est convaincu inconsciemment qu'il a tout fait. Et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, il va dire, il y a des humains qui sont nés pour des petits pains, il y en a d'autres qui sont chanceux ou mardeux, qui sont nés pour des gros pains. Sauf que ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. L'humain peut accepter sans trop de problèmes sa condition de terrien, sa condition d'être limité, sa condition d'être souffrant, sa condition d'être ignorant, sa condition d'être recherchant, sa condition d'être qui demande à être sauvé, sa condition d'être peureux, angoissé, sa condition de stressé, sa condition de pauvre. Il peut accepter cela. Mais ce n'est pas humain que d'accepter cela. Le chien accepte sans problème de manger une fois par semaine. Et lorsque l'humain accepte ça, il dit « Oui, mais c'est humain, c'est normal que l'homme mange une fois par semaine. » Parce qu'il est convaincu que c'est comme ça que ça se fait partout. Le chien, chevreuil, est capable de rester sous la pluie. Et lorsque l'homme reste sous la pluie, l'homme trouve normal que ce soit comme ça. À un moment donné, un humain a décidé de bâtir une maison, de bâtir un abri. Ça, c'était anormal. À l'époque, on l'a martyrisé peut-être, on l'a lapidé. Et finalement, on a accepté son idée parce qu'on était plus confortable. Chaque fois qu'un être humain veut avancer le potentiel d'évolution de l'humanité, la collectivité et les humains font tout pour l'en empêcher. Alors, on le traite d'anormal, on le traite de non naturel, on lui dit que ça ne se fait pas, on lui demande qui se prend, et on essaie de faire en sorte qu'il cesse de vouloir être supérieur aux humains, c'est-à-dire aux autres. Et les autres ne veulent pas être supérieurs aux humains, les autres ne veulent qu'être de simples humains qui souffriront toute leur vie, qui espéreront inutilement toute leur vie, qui croiront à la réincarnation ou à la résurrection de façon à mieux dormir la nuit, qui inventeront un monde dans l'au-delà de façon à mieux accepter la mort d'autrui et sa propre mort, qui inventeront des explications théologiques divines pour supporter leurs conditions médiocres. Et ils diront, c'est humain. N'est-ce pas que l'erreur est humaine? N'est-ce pas que c'est humain de temps en temps de se laisser emporter par la colère? C'est humain de faire la guerre. C'est humain d'être jaloux. C'est humain et humain de souffrir de nos amours. C'est humain d'être toujours poigné. C'est ça, l'être humain. Ben, il se perfectionne dans cette optique-là aussi. Oui, il se perfectionne dans cette optique-là. Certains humains finissent même par avoir comme objectif devenir des martyrs. Ça plaît, le martyr. Le martyr, c'est quelque chose d'intéressant, le martyr. C'est celui qui préférait mourir pour une cause plutôt que de vivre pour cette cause. Mais c'est drôlement plus facile de mourir pour une cause que de vivre pour elle. Parce que lorsque tu vis pour une cause, faut que tu la supportes. Faut que tu supportes les inconvénients. Faut que tu supportes les problèmes de la cause. Faut que tu supportes les dires et les gestes de tout le monde. Faut que tu aies des idées. Faut que tu supportes le doute de ta cause. Tandis que si tu meurs pour ta cause, ben c'est fini. Les autres vont t'applaudir, ils vont peut-être te faire une effigie, peut-être te faire une peinture, une petite médaille qu'ils vont porter dans l'espoir de faire arrêter leur saignement lorsqu'ils se coupent. Ils vont peut-être, à un moment donné, faire en sorte qu'on te béatifie. Mais toi, t'es poussière. Tu vaux exactement la même chose que le cadavre d'un animal. Aux yeux de l'homme, non. Mais aux yeux de l'homme, il y avait des choses qui ont de la valeur, qui, dans la réalité cosmique, en ont aucune. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être humain? Évidemment, c'est une dialectique intéressante. On peut considérer qu'être humain, c'est être ce que j'ai défini tout à l'heure. Mais, dans mon langage à moi, être humain, c'est autre chose que d'être semblable à l'animal, avec en plus l'orgueil de se dire différent. Pour moi, c'est pas ça, être humain. L'homme se différencie de l'animal par sa faculté de penser. C'est un fait. Sauf qu'il pense, ça l'amène à souffrir plus que l'animal. Est-ce que c'est ça un homme? L'homme se différencie de l'animal parce que l'homme souffre. C'est pareil. L'homme se différencie de l'animal parce que l'homme invente des concepts de ce que c'est que l'univers et des concepts de ce qu'il est lui. L'homme se différencie de l'animal parce que l'homme invente l'orgueil qui dit qu'il est fait à l'image de Dieu, mais qui est une poire comparée à lui. L'homme se différencie de l'animal parce que l'homme a la faculté d'être jaloux, parce que l'homme fait la guerre, parce que le chien n'arrive pas à exterminer une race d'animaux, parce que le lion n'arrive pas à exterminer une race. Mais l'homme, lui, se différencie de l'animal parce que l'homme extermine des races. L'homme a exterminé différentes races d'animaux. Et il est en train, encore une fois, d'en exterminer d'autres. Alors, l'homme se différencie de l'animal. Et tout ce qui, apparemment, constitue l'humain et le différencie de l'animal, est en fin de compte le problème de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Être humain, est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours heureux? Quelqu'un qui ne souffre pas? Quelqu'un qui ne souffre pas de se faire piler sur les pieds? Quelqu'un qui, lorsqu'on lui donne une claque en pleine face, il tient à l'autre face? Est-ce que c'est ça, être humain? Ou si ça, c'est pas plutôt être un con? Est-ce que être humain, c'est celui qui, finalement, sert tout le monde? Celui qui, lorsqu'on lui demande 5$, en donne 10, c'est ça, un être humain? Ou ça, si c'est pas encore une fois plutôt un con? Alors, on va dire, oui, mais le Nazaréen, à un moment donné, a dit, si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un veut que tu fasses 10 pas avec, fais-en 20. Et moi, je dis que quelqu'un qui fait ça, c'est un con. Alors, qu'est-ce que le Nazaréen a bien voulu dire? Évidemment, le Nazaréen, il savait très bien ce qu'il disait. Et étant donné que l'humain a juste suffisamment d'intelligence, ses préceptes, il ne les a pas appliqués. Tu demandes 5$ à quelqu'un, il te répond d'aller te faire voir. Tu veux forcer quelqu'un à faire 10 pas avec toi, il te donne un coup de pied. Être un être humain, c'est un peu comme à un moment donné, on parlait de l'enfant nouveau. L'enfant nouveau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est celui qui va chercher vos cigarettes au magasin sans chigner? L'enfant nouveau, est-ce que c'est celui qui fait le ménage de sa chambre tous les matins avant même que vous vous leviez? Puis qui fait même la vôtre de temps en temps? Est-ce que l'enfant nouveau, c'est celui qui lave la vaisselle? Celui qui apprend à cuisiner à l'âge de 6 ans pour vous faire des beaux plats? Est-ce que l'enfant nouveau, c'est l'esclave parfait? Non. Et l'être humain non plus. La première chose que l'homme doit comprendre, dans l'art d'être humain, pour perfectionner son art d'être humain. Parce que qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est effectivement sa faculté de souffrir. C'est une chose qui le différencie. Mais qu'est-ce qui, cosmiquement, dans l'intelligence, différencie l'homme de l'animal? C'est la faculté qu'aura l'homme de supporter l'évolution et de supporter de l'intelligence instantanée. Ce que l'animal ne fera jamais. L'homme est un être ascendant. L'animal est un être stagnant. L'animal n'évolue pas, le végétal n'évolue pas, le minéral n'évolue pas. Ils peuvent muter, mais ils n'évoluent pas. Ils ne sont pas des êtres évolutifs. L'homme est un être évolutif. Il a déjà été animal, présentement il est habité par vous-même, et nécessairement il se différencie de l'animal parce qu'il a la faculté d'avoir une conscience individuelle, ce qui n'est pas encore le cas sur la planète, mais les animaux n'ont pas de conscience individuelle, ils ont une conscience collective qui restera collective. Qu'est-ce qui pourrait définir la perfection dans l'art d'être humain? La première chose, cesser d'être un maître esclave. Cesser d'être esclave. L'homme se doit de s'anégoïser, c'est-à-dire qu'il doit abandonner l'illusion puissante, l'orgueil, son ego, qu'il est quelque chose, cet ego, pour remplacer cela par une certitude de ce qu'il est, autrement dit. Certains parmi vous pensaient que vous êtes puissant. Et parce que vous pensez que vous êtes puissant, la majorité, vous ne pouvez pas être puissant. Vous ne pouvez que penser à être puissant. Certains pensent qu'ils peuvent ne pas être malades. Et lorsqu'ils seront malades, ils continueront à penser qu'ils ne peuvent pas être malades, mais ils devront supporter la maladie. Parce que l'homme peut penser à être puissant et l'homme peut être puissant. Il ne peut pas être les deux en même temps. L'homme peut penser à être en santé et l'homme peut être en santé, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Alors, vous pouvez penser des choses ou vous pouvez être ces choses. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain apparaît? C'est lorsqu'un animal humain disparaît. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour servir. Le corps de l'homme est sur la Terre pour servir. Le corps vital de l'homme, la vie, est sur la terre pour servir. Votre âme, dans laquelle germe l'ego et l'identification suprême, votre je et votre moi, par laquelle vous êtes manipulé, est là pour servir. En ce sens, la théologie a raison. Vous êtes là pour servir, tant que l'on parle à l'âme. Mais les végétaux aussi ont une âme minuscule. Les animaux aussi ont une âme, c'est ce qui leur permet d'être reliés collectivement à une espèce d'âme de groupe. Mais qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Ce n'est pas son âme, parce que les animaux ont une âme, c'est son esprit. Et les animaux n'ont pas d'esprit. Et votre énergie mentale, votre plan mental, votre faculté d'intellectualiser ou de mentaliser lorsque cela se développe un peu, est là pour servir. Mais vous, en tant qu'être humain, vous êtes des esprits individuels et présentement, vous devez, et l'évolution de l'homme dans l'étape actuelle de l'évolution de l'homme planétaire, c'est une guerre dans la tête et dans le cœur de l'homme entre son esprit, l'intelligence instantanée, et son ego, l'âme. Vous n'êtes pas là pour servir, c'est-à-dire que vous devez régir vous-même vos propres conditions de vie. Tout ne change pas comme ça. Parce que vous ne changez pas comme ça. On peut penser qu'à partir de maintenant, on va prendre certaines responsabilités en main. On peut le penser. Mais si ça fait 40 ans que notre ego et que notre corps est programmé à ne pas le faire, ce n'est pas parce que vous allez le penser que ça va être exécuté. Vous devriez le penser longtemps, jusqu'au jour où vous ne le penserez plus, où vous allez l'appliquer. L'homme ne doit pas servir aucune forme de divinité. L'homme ne doit pas servir aucune forme de représentation des choses du ciel ou de la terre. L'homme ne doit servir aucune forme de concept. L'homme ne doit servir aucune forme de tradition. Ce sont les clés de la perfection dans l'art d'être humain. Et au travers de cela, l'homme ne doit pas se prendre au sérieux. Et c'est là qu'on complique les choses. Parce que la majorité de ceux qui, finalement, sont capables de ne pas servir une tradition, disent « Moi, j'en ai plus besoin !» Ils se prennent au sérieux. Et la seule façon qu'ils ont de ne pas souffrir de culpabilité, de ne pas servir la tradition ou une divinité quelconque, c'est de se prendre au sérieux. Et la perfection dans l'art d'être humain, c'est premièrement la voie de l'anégoïsation, ne pas avoir d'ego. On élimine toute forme de souffrance. La perfection dans l'art d'être humain, c'est aussi le fait d'être capable de ne pas servir autre chose que de l'intelligence. Si on n'est pas capable de servir autre chose que l'intelligence, cela veut dire qu'on accepte de servir l'ignorance. Et accepter de servir l'ignorance, ce n'est pas intelligent. Qu'est-ce que c'est que de servir l'ignorance? Servir l'ignorance, c'est s'imaginer que l'on doit dire merci. Ça, c'est servir l'ignorance. Remercier un humain, c'est donner un karma à l'humain. C'est rendre l'humain orgueilleux. C'est donner l'impression à l'humain qu'on a besoin de lui, qu'on est un peu son esclave. C'est aussi se mettre à genoux un peu devant lui. Et par tradition, donc, ce n'est pas de l'anégoïsation, ce n'est pas de l'humilité. L'humain qui a absolument besoin de son biscuit, merci, on peut lui donner par écologie. Mais on ne devrait pas fonctionner entre amis ou entre ceux qui comprennent avec ce genre de choses. Servir l'ignorance, c'est croire que l'intelligence qui un jour a réactionné le monde dans lequel nous sommes a besoin qu'on lui allume des cierges de temps en temps, a besoin qu'on lui donne une heure ou deux par semaine de notre temps, a besoin que nous répétions des formules traditionnelles collectivement. Lorsque l'on pense cela, on sert l'ignorance. Et si on sert l'ignorance, on n'est pas des êtres humains. Je dis des choses qui peuvent frustrer certaines personnes. Il y a une période de questions par la suite. J'aimerais bien que vous donniez vos commentaires pour que je puisse ajuster les choses et que vous posiez des questions. Être un être humain veut dire ne plus avoir besoin de la politesse pour communiquer. Cela ne veut pas dire que nous sommes impolis, cela veut dire que nous sommes ce que nous sommes. Cela veut dire aussi que nous sommes capables de gérer nos vies. Nous n'avons pas l'énergie pour poser un acte, pour rendre un service, nous disons non. Nous avons des événements stupides à vivre, un accident, une inondation sous-sol, etc. L'homme n'est pas sur la terre pour vivre ce genre de conditions aberrées. L'homme vit ce genre de conditions aberrées parce qu'il ne connaît pas les lois qui régissent la cinquième dimension de sa création. Et l'homme accepte de vivre ces choses, je le répète, parce qu'il est convaincu qu'il doit vivre ces choses. Une personne vient au monde et on lui montre ça de travailler avec sa main droite et on lui attache sa main gauche dans le dos dès sa naissance. À l'âge de 12 ans, sa main gauche est atrophiée. Mais tout attribut est comme ça. C'est normal. Et si la personne pose un peu une question, le sorcier va lui dire que c'est Dieu qui a demandé cela. Le Dieu de la tribu. Ou les dieux ancestraux. Le culte des ancêtres. C'est normal. Elle ne souffrira pas. Il n'y a aucun problème. Elle ne souffrira pas. Mais lorsqu'un jour, elle se perd et elle rencontre une autre tribu, et eux autres, on les veut, mais libres. Alors, elle est perdue. L'autre tribu l'accepte. L'autre tribu la nourrit. Et l'autre tribu découvre qu'elle est handicapée. Et l'autre tribu va peut-être vouloir adopter la personne. Et la personne découvrira rapidement que finalement, elle est mauditement handicapée. Et les autres ne le savent pas, mais elle, elle le sait maintenant. Et c'est exactement ce qui arrive. Vous êtes tous convaincus, dans la majorité des cas, que les conditions dans lesquelles vous vivez sont des conditions qui sont normales sur une planète comme la nôtre. Et on attend toujours un monde meilleur pour commencer à se grouiller les fesses pour faire quelque chose. Si vous apprenez sur la Terre à fermer les yeux, dans un autre monde, vous allez pénétrer les yeux fermés. Ce n'est pas le monde qui détermine ce que l'homme va être. C'est l'homme qui détermine ce que le monde va être. Alors, si vous acceptez dans ce monde-ci des souffrances si stupides, des souffrances qui n'ont aucun sens, des conditions événementielles qui sont absurdes, quel que soit le monde, quelle que soit la planète, quel que soit l'apocalypse ou la paix sur la planète, vous allez encore avoir des problèmes et des misères. L'attitude dans l'art d'être humain. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est pourquoi elles n'assurent pas leur auto, et c'est pourquoi lorsqu'ils se la font voler, ils perdent tout. Il y a des personnes qui n'ont pas assez d'argent, et c'est pourquoi elles n'assurent pas leur mobilier, et lorsque le feu prend, ils perdent tout. Il y a des personnes qui gagnent à la loterie, et là, ils sont fous comme la marde, et puis ils n'assurent pas plus leurs choses, ils ont de l'argent. Et puis à un moment donné, le feu prend, puis ils perdent encore tout. Ils perdent aussi leur livret de banque, ils perdent tout au complet. Là, ils commencent à fouiller à la banque pour retrouver leurs argent. Étant donné que d'autres sont organisés à leur place, on arrive à leur donner ce qu'ils ont besoin. Mais finalement, lorsqu'ils auront perdu leur argent, ils auront encore une fois tout perdu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les conditions matérielles ou extérieures qui changent l'homme, c'est l'homme qui doit changer. Et il y a énormément d'humains sur la planète qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas prêts à être heureux. Et il y en a plusieurs qui sont encore pauvres malgré qu'ils pensent travailler pour avoir une certaine libération matérielle, mais ils n'ont pas l'attitude. Vous êtes malade, quelqu'un passe à côté de vous et vous guérit. Une fois que vous êtes guéri, votre égo pense. Ou bien vous allez adorer le guérisseur, ou bien vous allez adorer un dieu quelconque, ou bien vous allez vous prendre au sérieux et trouver que c'est vous qui vous êtes guéri, que vous êtes bon. Chose certaine, c'est que vous auriez été plus utile, malade, que guéri et pogné. Et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Vous voulez sortir de quelque chose, vous voulez évoluer, vous voulez vous améliorer. Vous n'êtes pas ici pour rien, il y a une raison. Il y a une recherche chez vous qui vous mène ailleurs et qui vous amène ici. Sauf, avez-vous l'attitude d'un être humain, d'un être debout? Faites comme si vous l'aviez reçu et vous le recevrez. Le problème, c'est que l'humain est impatient. Il dit, j'ai fait comme si je l'avais reçu. J'ai fait ça au moins 10 minutes, certain. Puis ça marche pas. Non. Vous ne pouvez rien changer à vos conditions de vie. L'être humain n'a pas de liberté. Sauf qu'il y a des événements sur la planète qui devront être accomplis par certains humains. Vous ou d'autres. Et il y a d'autres événements qui seront accomplis par d'autres humains. Vous ou d'autres. Qui va déterminer? Vous. Comment? Juste vous placer dans une attitude d'être humain. Vous ne pourrez rien changer. Mais lorsque l'intelligence chemine sur la planète et a besoin d'un être humain pour accomplir quelque chose, elle va fouiller. Et lorsqu'un être humain est disponible, quelle que soit la condition de santé, la condition financière, la condition événementielle de l'humain, si l'humain est ce qu'il faut, tout autour de l'humain va changer et l'humain va changer de voie. Vous n'aurez rien changé, mais tout aura changé. Alors certains disent qu'on ne peut pas pousser plus rapidement notre évolution. C'est vrai, on ne peut pas. Mais on peut se placer dans une attitude. Être disponible, l'attente active. Être un être humain. Et lorsque c'est le temps, on n'a pas décidé que toi ou toi ou toi, vous seriez les personnes. Mais lorsque c'est le temps, un humain doit faire un travail. Et l'intelligence n'a pas l'intelligence vue d'amour intelligent et non pas d'amour sélectif. Tout ton passé, on s'en fout. T'es l'élément parfait pour accomplir certaines choses et c'est toi qui es choisi. Comment ça se fait que si lui a passé sa vie à ça, foutrement rien à voir. Foutrement rien à voir. Vous êtes pardonné avant même d'avoir accompli les choses pour la simple raison que ce n'est pas vous qui êtes responsable. Enfin, coupable. De les répondre, des actes que l'on va vous faire poser, ils n'êtes pas coupables. Être disponible. Être accepté d'être un être humain. Et un être humain a pour première fonction sa survie. Il a pour deuxième fonction sa survie. Et il a pour troisième fonction, vous l'avez deviné, sa survie. Sa survie à quoi? Rester intégral dans son individualité. Voilà. Cela veut dire que si vous devez mourir et rester individuel, c'est mourir. Si pour conserver la vie, vous vous acceptez de redevenir collectif, vous êtes mort. Oh, votre corps physique va continuer à gesticuler. Mais vous allez gagner le monde de la mort que lorsque votre corps physique va cesser de bouger. Lutter contre quoi? C'est simple. Accepter d'être autonomement individuel dans sa conscience, dans ses actions, dans ses décisions, dans son expression. C'est ça, être un être humain. Une chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante, regardez bien ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est quelqu'un qui est capable d'arriver en retard, de ne pas se sentir mal parce que ça regarde personne. Donc, elle n'est pas collective. Elle peut passer en avant de la plateforme. Elle n'a pas le choix. Elle peut même pas traverser le plafond. Si elle n'a pas le choix, elle ne peut pas se sentir mal parce qu'elle traverse devant tout le monde. Ça, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui n'est pas stressé. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de vivre stressé. Pour rien! Pourquoi devons-nous être nerveux parce qu'à un moment donné, un événement apparemment comme celui-ci existe? Et regardez combien de fois dans votre vie vous êtes manipulé énergétiquement par des événements qui ne vous appartiennent même pas. Ça ne sert à rien. Être un être humain, c'est se détacher des conditions de vie, de la collectivité. Ça ne veut pas dire que vous n'aidez pas autrui qui a besoin d'aide. Ça veut dire simplement que vous aidez lorsqu'il y a intelligence d'aider, mais que vous n'aidez pas parce que vous vous sentez mal de ne pas l'aider. Ce n'est pas humain que d'être pogné à aider quelqu'un parce qu'on se sent coupable si on l'aide pas. Ça, c'est pas humain. C'est typique des chiens savants. Typique des animaux savants. Pourquoi l'aides-tu? Parce que je suis humain. Non, pauvre con. Tu l'aides parce que tu te sens mal si tu l'aides pas. Autrement dit, on te donne une flagellation chaque fois que tu ne veux pas rentrer dans un cadre particulier. Combien d'actes de gestes posez-vous parce que vous vous sentez mal si vous ne les posez pas? Ce n'est pas ça qu'être un être humain. Si vous les posez en vous sentant totalement libre, vous êtes des êtres humains. Et si vous les posez parce que vous n'avez pas le choix, vous allez souffrir une culpabilité, une honte, ou etc., vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des humains, peut-être, mais pas des êtres humains. Et ce qui est très intéressant et important que vous compreniez, c'est que fondamentalement, vous êtes tous des hommes et des femmes nouvelles. Fondamentalement, vous êtes tous des êtres humains. Mais vous avez appris à vivre avec vos chevilles et vous considérez que l'humain s'arrête à la hauteur de la cheville et vous exprimez la cheville. J'ai déjà expliqué le phénomène de l'éléphant. Vous êtes un éléphant, un petit éléphant. Alors, lorsque l'on vous attrape dans la jungle, on vous amène quelque part pour vous dresser. On vous met un anneau de métal après la patte et on vous attache avec une chaîne à un pieu de métal. Et vous ne pouvez pas vous sauver. Chaque fois que vous voulez partir, vous faites mal à la patte et vous ne pouvez pas partir. Alors on vous dresse à lever des billots de bois. On vous dresse à vous mettre à genoux pour faire monter le cornac. On vous dresse à aimer vous faire laver par le cornac. Et on vous dresse à faire différentes choses, à parader, hyper habillé dans les rues. Vous grandissez, vous devenez puissant. Et à un moment donné, la chaîne qui vous attache, on l'élimine et on place une petite corde de lin. Et cette corde-là, on l'attache n'importe où. Du moment que vous sentez à votre cheville l'anneau de métal, vous êtes convaincu que la chaîne vous retient toujours. Alors qu'en réalité, n'importe quand, vous pourriez, comme des bœufs et comme des vaches, placer dans un package. Le premier package dans lequel on vous place, la clôture est électrifiée. Les premières vaches et les premiers bœufs, lorsqu'ils voient la broche, ils la ramassent à pleines dents, prennent une bonne décharge électrique, bavent dessus, s'éloignent en beuglant. À un moment donné, les autres viennent approcher, ils sniffent un peu avec leur naseau, et puis encore là, prennent une décharge électrique. Et lorsqu'on se rend compte que le troupeau se rapproche plus de la clôture, ils sont prêts à être transférés dans un autre package, plus économique, où il y a rien qu'une broche qui les entoure, mais il n'y a pas de courant électrique. Mais on sait qu'ils n'iront pas vite. Alors maintenant, le troupeau va passer le reste de sa vie dans un endroit qu'il pourrait quitter. Et il restera là convaincu qu'il ne peut pas le quitter. Vous avez essayé le temps où ce n'était pas le temps d'essayer. Et dans la majorité des cas, vous n'essayez plus quand c'est le temps maintenant de réussir. L'humain fait de l'effort, met de l'énergie, fait des efforts, met de l'énergie, et juste quand il va aboutir, il s'écarte. Dans la majorité des cas. Ne pas servir l'ignorance, ça c'est une perfection magistrale dans l'art d'être humain. Je dis que lorsqu'un jour un humain rencontre un extraterrestre, il doit attendre que l'extraterrestre s'agenouille avant de marcher vers lui. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des terrestres extra. Et c'est aux extraterrestres de s'aplatir. On va dire, oui, mais les extraterrestres sont supérieurs à nous. Si un jour vous rencontrez le premier ministre, vous n'avez pas à être tout humide, avec le cœur qui va sortir de la poitrine, pas savoir comment insérer la main puis essuyer 4 fois avant pour qu'il se rende compte qu'il est moite. Oui, mais c'est le premier ministre. Oui, c'est le peuple qui a décidé que c'était le premier ministre. Avant que le peuple décide, c'était un gars bien ordinaire. Maintenant que le peuple a décidé, t'es plus capable de le voir sans transpirer. Tu rencontres le pape, c'est la même chose. Le pape t'invite à le voir. Tu t'en vas chez lui, tu sonnes, et l'autre te dit, le pape est en réunion pour une demi-heure, voulez-vous l'attendre? Et vous répondez non. Quand il voudra me revoir, il prendra un rendez-vous. S'en aller. Ça, c'est être un être humain. Oui, vous êtes prêts à ramper dans la majorité des cas devant n'importe quelle autorité, et les autorités ont été données par l'être humain. Quand je parle de l'homme qui est un maître esclave, c'est l'homme qui crée une autorité et qui, après ça, est ébahi de l'avoir. Quelle est la valeur du pape si la religion n'existe plus? Aucune. Quelle est la valeur des premiers ministres qui sont partis tombe? Aucun. Quelle est la valeur du chef de police qui vient vous arrêter, puis là, il y a un supérieur qui passe, qui lui dit, « Hey, connard, ta bâche n'a plus besoin, t'es plus dans la police. » Et là, vous transpirez plus. Et là, vous riez, vous vous dites, « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Rien. Conceptuellement, l'autorité vient de changer de main. Exactement comme le gars qui a un revolver, qui vous pointe, puis vous, vous avez un couteau. Là, il vient pour tirer, puis il se rend compte que le revolver est vide. Ah, là, t'es de chance! L'autorité change de main. Mais il n'y avait rien de différent au niveau cosmique, dans la matière. Le revolver était vide, même si vous ne le saviez pas. Donc, vous n'en aviez pas. Alors, vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement important, puis la personne n'est pas disposée à vous recevoir. Ben, vous vous en allez pour l'instant. S'il veut vous voir, il va s'organiser pour vous voir. On s'imagine que c'est nous autres qui sommes inférieurs, qui devons continuellement têter les bénéfices des supérieurs. Alors, on doit toujours, on prie Dieu. Si Dieu n'est pas à l'écoute, on recommence ça 40 000 fois s'il le faut. Non. Être un être humain, c'est être capable de se supporter comme étant intégralement ce que nous sommes. Vous n'êtes supérieur à rien. Vous n'êtes inférieur à rien. Vous n'êtes différent de rien. Vous êtes vous ce que vous êtes vous-même. Et la perfection dans l'art d'être humain, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes et d'accepter aussi de le révéler. Donc, de cesser de le cacher parce que ça ne cadre pas avec la normalité collective. Donc, d'accepter de ne plus être l'esclave de la mode psychologique, de la mode conceptuelle, de la mode de ceci, de la mode de cela. Et ça, être un être humain. Dans votre étape d'évolution, certaines choses, vous ne les aimez pas. Aimez-les pas. Ce n'est pas de l'amour intelligent, c'est de l'amour sélectif, de l'amour qui n'est pas parfait. Et présentement, vous en êtes là. Le fait de l'accepter, c'est être parfait en tant qu'humain. Ça, vous savez que la perfection, ça existe. Vous êtes tous parfaits. Et la perfection n'empêche pas l'amélioration. Et l'humain, ça a de la difficulté à comprendre. Vous êtes parfait, mais vous pouvez vous améliorer. Ce verre, il est parfait en tant que verre. Il contient un liquide. Il peut me permettre de boire. Il est translucide, ce qui me donne une idée de ce qu'il y a dedans. C'est un verre parfait. Si je veux écrire une lettre avec, je dirais que cet objet est imparfait. Mais pourquoi est-il imparfait? Parce que je lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire. En réalité, il n'est pas imparfait. Ma demande est inajustée. C'est vous qui faites les demandes qui gèrent vos vies. Si vous demandez des choses que vous ne pouvez pas faire pour l'instant, sans avoir passé par le processus de l'amélioration, vous allez finir par penser que vous êtes imparfait. Vous faites à la perfection que ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez vous améliorer. La perfection va rester la même. Vous ne serez pas plus parfait. Vous serez quelque chose d'autre. Vous serez toujours vous-même avec une possibilité plus grande. Mais ça n'altère pas la perfection. Ça ne change pas la perfection. Un pissenlit en tant que pissenlit est parfait. Mais si le pissenlit, on veut s'arranger pour qu'il puisse servir de tuteur à un érable, le pissenlit est une maudite cochonnerie. Et c'est ça le problème. Vous voulez traverser les murs, et maudit, vous êtes poire. Vous voulez ne plus jamais être en colère, et maudit, vous êtes pas bon. Ben, continuellement, c'est ce qu'on se dit. Maudit que je suis faible, et que je suis niaiseux, et que je suis niaiseux. Parce que vous avez le concept de quelque chose que vous n'êtes pas. Puis au lieu d'être convenablement ce que vous êtes, vous voulez à tout prix être ce que vous n'êtes pas encore. Pour essayer de vivre ou de devenir. Ne pas servir l'ignorance, donc ne pas servir les traditions, ne pas servir les divinités, ne pas servir l'humain. Servir l'intelligence, cela veut dire faire tout ce qui se doit d'être fait. Et tout ce qui se doit d'être fait, c'est tout ce qui est écologique. Il y a un Chinois qui a dit que nous donner un poisson à un être humain, tu le nourris pour une journée. Lui montre à pêcher, tu le nourris pour la vie. Si le gars, il est paresseux, il veut pas que tu le montres à pêcher. Il va te culpabiliser en maudit que tu es un sans-cœur, que tu es inhumain, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Mais si vous êtes humain, vous vous en foutez royalement de ce qu'il vous dit. Vous voulez lui montrer à pêcher, ou bien vous le laissez crever. Vous êtes humain. C'est un peu comme les pays sous-développés, je l'ai dit souvent. Cesser de leur envoyer des choses, c'est être humain. Continuer à leur envoyer des vivres, des médicaments et des choses comme ça, c'est être inhumain. Parce qu'on continue à entretenir la condition politique qui engendre leur état. Tant qu'on fournit l'aide médicamentale et nutritive à ses peuples, les gouvernements se foutent royalement de leur propre peuple. Lorsque les peuples auront suffisamment faim et qu'ils vont mourir de faim, ils vont faire une révolution, ils vont renverser les gouvernements et ils vont mettre ce qu'ils ont besoin. Mais tant qu'on continue à procéder comme on le fait aujourd'hui, on est inhumain. On dort mieux parce qu'on reste assujetti au concept de ce que c'est qu'être humain. La petite vieille qui sort d'à côté, elle a deux sacs bien pesants. Vous sortez et vous lui dites, voulez-vous que je vous aide? Dans le début, c'est normal, elle vous trustera pas, elle va avoir peur, pas que vous la violiez, mais en tout cas, peur que vous voliez, c'est ça au moins. À un moment donné, peut-être qu'elle va dire, ben ok, aide-moi. Alors tu ramasses pas les deux sacs, un sac. Si t'es humain, ta face, ça part. T'es pas pour, dans le courant de l'année, l'obliger à perdre sa force musculaire et à devenir carrément indépendante de l'aide d'autrui. Le lendemain, tu sors, elle a un sac. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ben c'est pesant, pas mal. Ah, c'est sûr, un sac, c'est toujours pesant. Bonne journée. Et là, vous sacrez votre temps. Là, vous êtes humain. Elle, vous regardez en disant rien parce que vous l'instruisez dès le départ. Elle va mijoter un peu, puis elle va descendre son sac. Une fois par semaine, ça vous tente de lui descendre, descendez-le. Peut-être qu'elle comprendra jamais pourquoi lundi, mardi, mercredi, vous ne voulez rien savoir, jeudi, vous le descendez, puis vendredi, vous allez... Vous allégez son fardeau, mais vous l'obligez à continuer à maintenir ses forces, à avoir confiance en elle, à s'organiser pour être autonome. Ça, c'est être humain. Elle crie, elle braille, elle chiale. Si vous considérez que sa boîte de Kleenex ne vaut pas la peine que vous la preniez, qu'elle crie, qu'elle braille, qu'elle chiale. C'est son travail que de souffrir. Elle l'a décidé. Si l'autre voisin passe puis décide de l'aider puis de l'aider tout le temps, c'est sûr qu'elle vous aimera plus. Parce que elle est inhumaine et elle n'a pas la faculté d'aimer les êtres humains. Elle aimera les êtres inhumains. Alors elle aimera son autre voisin qui est en train lentement de l'habituer à être tout à fait dépendante de l'aide extérieure. Parce que l'être inhumain, l'humain ou l'animal humain, ne peut pas aimer l'être humain. Il ne peut pas. Alors sachez une chose, que dans la perfection de devenir dans l'art d'être humain, va faire en sorte que si vous devenez humain, vous ne pourrez pas être aimé de l'humanité. Le Nazaréen a été crucifié, pourquoi? Parce que les animaux humains ainsi que les humains ne l'aimaient pas assez. Il ne pouvait pas l'aimer suffisamment. Lui, c'était un être humain. Lui pouvait aimer intelligemment. Et il y a un paquet de personnes qui n'ont pas pu être aimées par l'humanité, qui se croit humain, mais qui ne l'est pas. Ça fume dans votre bureau et vous êtes non-fumeur. Ça ne doit plus fumer dans votre bureau si vous êtes des êtres humains. Dans la famille où vous vivez, vous êtes esclave de la maison. Vous ramassez toujours les souliers, vous ramassez toujours la vaisselle sale, vous ramassez toujours les mêmes affaires. Passez votre temps à éteindre les lumières. Vous n'êtes pas un être humain. Si vous êtes un être humain, les autres seront obligés de faire leur part. C'est dur de devenir un être humain lorsque, depuis quelques milliers d'années, on est programmé à rester des animaux. Sachez une chose, c'est que l'être humain était un animal humain. La programmation pour l'obliger à devenir humain a été géniale, elle a été surtout théologique. Et de l'animal humain, l'être est devenu un humain. Mais maintenant que nous sommes des humains, nous devons devenir des êtres humains. Et si nous conservons la programmation, les archétypes, la tradition, les enseignements qui nous ont permis de devenir humains, nous resterons humains. Mais nous ne deviendrons pas des êtres humains. Et quand je dis humain, par rapport à l'être humain, l'humain est inhumain. Vous avez peur, vous êtes en maudit, l'eau coulait partout chez vous peut-être, et puis là, ça filait tout croche. L'animal humain réagit comme ça. Pas l'être humain. Ah oui, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? S'asseoir sur une chaise au-delà de l'eau et relaxer. Ça, c'est un être humain. Il y a des personnes qui, chaque fois qu'il y a des inondations, sont mal prises dans leur automobile. Et j'en ai vu plusieurs vouloir sortir par les fenêtres, alors que la porte n'était pas barrée et qu'elle s'ouvrait facilement. J'en ai vu plusieurs vouloir sortir en amenant le bain avec eux. Et le bain est boulonné pour ne pas bouger. Il faut détacher la ceinture pour sortir. Les animaux humains veulent sortir. J'ai vu beaucoup de, apparemment, d'êtres humains. Et conduire en fou. Parce qu'apparemment, il y a ceci, il y a cela, ils ont été frustrés, l'autre l'a coupé, il y a un char sport, il est pressé, il y a... La vie n'est pas importante, la vie... Le show est important. Si on se tue ou si on se blesse, ben, on comprendra pas qu'est-ce qui nous arrive, mais... Vous ne pouvez pas rien faire, vous pouvez faire quelque chose. Allez vous coucher et dormez. Votre fils est malade. Accident d'automobile, électrocution, n'importe quoi. Il est à l'hôpital et il est aux soins intensifs. Vous allez le voir, il est inconscient. Restez pas là. Allez voir un film. Oui, mais j'y prends la main. Je suis sûr qu'il sent que je suis là. Oui, regarde l'électrocardiogramme. Tu vas voir qui c'est que t'es là. Avant que tu rentres, son cœur va peut-être à 100, 101. Maintenant que tu lui as pris la main, regarde, il est rendu à 155. Tu viens lui transmettre de la souffrance. Parce que l'être inhumain pense aimer comme ça. L'enfant a suffisamment à gérer sans en plus avoir le goût de voir sa mère ou son père. Et tant que les deux ne sont pas là, il ne peut pas y penser. Quand il se réveille, c'est important qu'il voit un visage intéressant. Mais ça peut juste être la photo. Là, au moins, il sait qu'ils sont passés, avec un message de quand ils vont revenir. Mais rester 3 jours au chevet d'un enfant qui est inconscient, c'est être un être inhumain. On rentre dans sa chambre, on tète son énergie, on le rend malade, on le fait souffrir, au nom de notre amour. Être des êtres humains, c'est ça. Ne pas souffrir, ne pas être mal pris. Et comment on fait pour ne pas être mal pris, pour ne pas souffrir? On le détermine. Et je répète que si vous devenez un jour des êtres humains, sachez une chose, vos familles vont vous traiter d'inhumains. Vos amis vont vous traiter d'inhumains. Vos compagnons de travail vont vous traiter d'inhumains. Alors, vous devez devenir des êtres humains et en même temps des êtres plus nouveaux et devenir hypocritement diplomates pour que les autres ne sachent pas que vous êtes des êtres humains. Pas trop, du moins. On vous demande un service, peux-tu faire ça en fin de semaine? J'aimerais bien. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que, en fin de semaine, je fais rien. Non, mais c'est un fait. Ah ouais, mais si tu fais rien, ça sert à rien de discuter. Je ne veux pas. Ah, t'as-tu une raison? J'ai aucune raison que tu vas pouvoir accepter. Même plus. C'est ça. Donnez pas de raison. Un être humain ne passe pas son temps à s'expliquer. L'esclave s'explique. C'est pas l'être humain. Pourquoi devez-vous toujours expliquer aux autres votre nouvelle couleur de chemise, votre nouvelle coupe de cheveux, votre nouvelle automobile à 30 000 $? Pourquoi devez-vous expliquer pourquoi vous l'avez acheté? Tu sais, avant, t'avais une Renault, là, puis là, t'es rendu avec... Oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pris? Faut toujours qu'on explique. Non, l'être humain n'explique pas. Ben oui, mais il comprendra pas. Ça va de soi. Mais même si vous l'expliquez, il comprendra pas tellement plus. Donne-moi une raison, au moins. Il n'y a pas de raison. Il y a une raison. Je ne fais rien en fin de semaine parce que j'ai le goût de rien faire en fin de semaine. Ah oui, mais tu peux me rendre service, Christy, une fois par année. T'as raison, je peux te rendre service une fois par année. Faut en fin de semaine. Et vous ne devez pas transpirer, vous ne devez pas avoir une accélération cardiaque, vous devez vous sentir, vous autres. Avez-vous le droit de vouloir rien faire une fin de semaine? Avez-vous le droit de vouloir rien faire toute votre vie? Vous êtes les propres gestionnaires de vos conditions. Devenir un être humain, c'est accepter d'être son seul maître. Ouais, mais personne ne va m'aimer. Aime-toi comme toi-même. Et ça sera suffisant. Passer sa vie à faire en sorte que les autres nous aiment. C'est manipuler autrui pour qu'il fasse une chose qu'il ne ferait pas naturellement, donc c'est de la fausseté. Et il y aura toujours la moitié de la planète qui va vous haïr. Alors, on va faire un tour. Alors, être un être humain, c'est accepter d'être libre de sa condition de vie. Vous allez dire, bon, moi, c'est parfait, moi, je suis un être humain, je ne fais plus la vaisselle, je ne tente plus. C'est un fait. C'est votre choix. Et j'ai expliqué tout à l'heure que vous devez faire les choses qui sont intelligentes. Faire une chose intelligente, c'est faire une chose conséquentielle, écologique. Conséquentielle, dont les conséquences à immédiat, court, moyen ou long terme vont vous être bénéfiques. Ça, c'est être conséquentiel. Si vous ne voulez plus faire la vaisselle et que vous êtes seul chez vous, sachez qu'elle ne se fera pas elle-même. Vous pouvez l'acheter pour en acheter d'autres. Vous pouvez l'acheter en carton de la Royal Japon. C'est ce que vous voulez. Mais il y aura un résultat karmique, un résultat conséquentiel à immédiat, court, moyen ou long terme. Et s'il est bénéfique pour vous, c'était parfait. Mais vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous le savez. Vous refusez souvent de le savoir, mais vous le savez. L'homme le sait. Alors, si le mari ne veut plus rien faire, si la femme ne veut plus rien faire, et les enfants ont le droit d'être eux-mêmes, donc ces enfants ne veulent plus rien faire, eh bien, c'est leur droit. Ont-ils choisi de ne plus rien faire et de rester dans un taudis? Si c'est oui, ils seront heureux. Mais on ne peut pas décider de ne pas changer la roue crevée et décider en même temps qu'elle devra se changer tout seul. Parce que là, vous trouverez, vous pourrez encore découvrir que la roue n'est pas parfaite. Vous lui demandez quelque chose qu'elle ne peut pas faire. C'est pourquoi j'insiste énormément sur, dans la perfection, vers l'être humain. Vous devez être un égoïque. On a parlé de la pensée. C'est une dernière. La pire merde de l'humain, c'est que l'homme pense. Et surtout, c'est qu'il pense qu'il pense. Je pense qu'en réalité, on le manipule. On le charrie par sa pensée de A à A. Être un égoïque. Êtes-vous capable d'arriver à ne pas vous prendre au sérieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de vivre sérieusement votre état d'être humain. Ne pas se prendre au sérieux, c'est être libre. Libre. Libre. Vous en allez en automobile, il y a un gars qui vous arrive, qui colle quasiment son pare-choc sur le vôtre. Vous avez un char assez puissant. Puis vous êtes dans la voie de gauche. Là, vous le regardez faire, puis le gars, il a l'air à pomper. Là, qu'est-ce que vous dites? Moi, je roule à vitesse limite, hein, mais le gars, il fera le tour. Ça, c'est de l'orgueil. Et nécessairement, vous allez sentir quelque chose chez vous, puis vous allez vous abîmer la santé. Être un égoïque, c'est de se dire, signaler, se tasser, puis le laisser passer, puis s'en foutre, ça fait pas partie de notre plan de vie. Vous vous dites pas, j'ai bien fait. Ça, c'est de l'orgueil. Si le passager vous dit, hey, as-tu vu qu'il vous laisse quelque chose? Vous devriez répondre, qui? Là, vous êtes un être humain, un égoïque. Il n'y a plus de problème. Êtes-vous des dingues, des imbéciles, parce que vous dites qui? Non. Il n'y a pas un char qui va pouvoir vous frapper. Vous n'aurez pas d'accident. Mais est-ce que c'est nécessaire de toujours vous rappeler tout ce que vous avez réussi? Si vous voulez vous rappeler de tout ce que vous avez réussi, vous allez tellement être pogné à méditer sur ce que vous avez apparemment réussi que vous réussirez plus grand-chose. Vous allez redevenir des humains ou des animaux humains. La rue est barrée, il y a un problème, il n'y a plus d'essence dans l'auto, il y a n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une panne d'essence dans notre automobile sur l'autoroute des Laurentides à 5 000 du garage le plus proche? On sort de l'auto, puis on marche jusqu'au garage. Ou on fait du pouce. C'est ce qu'on fait. L'humain, apparemment, ou l'animal humain, va dire des mots imbéciles, très catholiques sans doute. Et il va taper sur son compteur, espérant repartir le moteur. Il va sortir taper sur ses pneus, peut-être, espérant que ça va se transmuer en essence. Il va se promener un peu dans le champ. S'il est avec un autre, l'autre va en profiter pour lui expliquer qu'il est imbécile. C'est ça, se prendre au sérieux, puis vivre très, très, très insérieusement. Et puis après ça, ben là, il va peut-être fouiller voir s'il n'y a pas un bidon, un galon ou un quelque chose. Pour se rendre compte qu'il n'a pas prévu ça. Et puis peut-être qu'il va faire du pouce en maudissant tous ceux qui arrêteront pas. Il n'y a pas grand monde qui ose arrêter un gars en colère sur aussi bon chemin. Et puis s'il va jusqu'au garage, ben là, il va se rendre compte qu'il faut qu'il mette de l'essence, il faut qu'il revienne, c'est compliqué, il faut qu'il inverse dans son réservoir. On en voit peut-être juste assez pour pomper son moteur, se rendre au garage, puis là, il va arriver en retard, puis il va continuer à voir perdre le reste de sa journée en chiolant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un être humain. Nommez-moi une chose que vous pouvez solutionner en étant de mauvaise humeur. En étant en maudit. En donnant des bêtises à autrui. En gueulant contre l'univers ou contre vous-même. Trouvez-en une. Certains vont dire, oui, mais si je suis pas en maudit, je vais rien faire. Fais rien, c'est déjà plus évolutif. Mais moi, si je suis pas en maudit, je fais quelque chose pareil. J'ai pas besoin d'être en maudit pour voir l'intelligence de faire quelque chose. Quand il fait chaud dans la maison, j'ouvre les fenêtres. J'ai pas besoin d'être en maudit contre la chaleur. Simple. Très simple. Puis venez pas penser comme un paquet de monde ont déjà osé penser. Trop simple. C'est pas trop simple. C'est simple. Facile. Être bien. Être un être humain. C'est évident que de temps en temps, il va arriver des conneries. Parce que vous n'avez pas encore réussi à changer, à cellulariser votre état d'être humain. Tout n'est pas changé. Mais instantanément, vous pouvez passer de l'homme ancien à la... trois quarts, homme nouveau. Instantanément. Juste accepter de cesser de résister contre les choses qui sont arrivées. La panne d'essence, elle est là. Pas à peine de rien faire contre ce que vous voudrez. Il vous reste maintenant à mettre de l'essence. L'automobile marche avec de l'essence. Le spaghetti que vous avez commandé, il est pas bon. Commandez-en un autre. Ouais, mais ça crache dedans. Parce qu'il est en maudit. C'est ça, être humain, hein? C'est beau. Laisse ton spaghetti-là, tu sais qu'il est pas bon. Puis que tu t'en vas ailleurs. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Mais mange-le, puis ferme ta boîte. Simple. C'est simple d'être simple. Il y a des personnes, quand je les entends chialer, je leur dis, oui, mais tu chiales, pourquoi? Ben, c'est parce que l'eau est chaude. Ben, va t'en chercher de la froide. Ah, ben, j'ai pas le goût. Tu fais de chialer. Mais, combien d'énergie est perdue? Comme ça? Ne pas avoir d'intention. C'est aussi une attitude. Elle ne peut pas être applicable présentement chez l'humain ascendant. Parce qu'il n'est pas encore relié à l'intelligence instantanée, donc il n'est pas encore relié à son ajusteur de pensée convenablement, donc il n'a pas encore la faculté d'intentionnaliser inconsciemment sa vie. Donc il a besoin d'avoir un peu d'intention. Il a besoin de trouver intelligent d'avoir de l'argent, donc il ira travailler. Il a besoin, parce qu'il n'est pas encore capable, d'avoir l'argent qu'il a besoin. Donc il devra aller la chercher, se donner l'illusion qu'il va la chercher. Et c'est comme celui qui doit jouer de la musique. Ben, s'il n'a pas l'intention d'apprendre le piano, il ne jouera jamais du piano. Donc, on doit lui laisser l'intention. Sauf que ce n'est pas nécessaire qu'il ait l'intention d'être un virtuose du piano dans 5 ans. S'il se met une limite, ben, il y a des chances qu'il puisse pas l'être avant les 5 ans. Parce qu'il se l'interdira. C'est comme celui qui est né pour un petit pain. L'intentionnalité peut rester chez l'humain. La simplicité, c'est elle qui doit prédominer. Et la simplicité apparaît lorsque l'humain accepte d'être anéchoïque. On n'a pas besoin d'ego. On n'a pas besoin d'orgueil. On n'a pas besoin de ce genre de choses qui apparemment fait la force de l'être humain, mais qui en réalité le confine dans sa condition d'inhumain. Être sain. S'amuser. Avoir du fun. La conférence, certains de temps en temps viennent chercher une conférence extrêmement haute. Ce soir, elle est haute, mais compréhensible et applicable. On va faire une petite pause. Vous posez vos questions sur papier, vos commentaires. Ce serait extrêmement important si vous ne comprenez pas ce que c'est que la simplicité, mais je vais sans doute y revenir lors de la deuxième partie. Et après ça, on va expliquer d'une façon cosmique pourquoi l'homme doit être un être humain et cesser à cette époque-ci d'être un animal humain ou un humain. Alors, je vous laisse. Merci, Daniel. Je vais prendre encore quelques secondes de votre attention pour vous signaler cette feuille. Deux conférences au mois de juillet et août qui vont se donner ici. Deux conférences inédites sur vidéo de Daniel Kemp, dont le titre sera « La vérité sur la Genèse et les dangers de l'émotion ». Donc, à deux occasions, durant cet été, les conférences vont être sur vidéo, écran géant, naturellement. La semaine prochaine, la conférence de Daniel aura pour titre « La fusion avec le double ». Un mystère.